Please stay as you are just for a few moments longer. Moments longer. Longer. I'd like to remind you of some very important. Broken beat, jazz et house, c'est le cocktail servi par Ben Oak. Make up, break up, bench. Après Bruxelles, nous filons à Londres et nous sommes en 2023. La nuit des temps, l'international de la danse. Let's begin with a drum set. Listen for an explosive live sound. The snare should be crisp and the cymbals should ring. If they become harsh or flat, the speaker's high frequency response is peaky or distorted. S'installe tout doucement sur Saint-Étienne. Emir Weiss Amadzai est avec son compère Daniel Dark, le cofondateur du groupe Taxi Girl à la fin des années 70. Torturé, romantique, synthétique, Taxi Girl fut l'une des plus belles pierres de l'histoire de la pop française qui cherchait à quitter définitivement les rivages de la variété. C'était l'époque du Palace et du célèbre Rose Bonbon. Emir Weiss, ici en 1980. Et c'est notre power play de la semaine. Sera connu bien des aventures, notamment dans la production musicale des années 80, y compris en faisant des détours par le folk. Mais c'est à la fin des années 90 qu'il poursuit son travail dans les musiques électroniques et se fait repérer par Madonna, qui va l'embaucher sur pas moins de 3 albums pour griffer sa patte à la fois dance et dark. L'album Music est sans doute l'un des sommets de Madonna, galvanisant les foules sur des sons expérimentaux et en même temps hyper populaires, mais qui avaient tous 5 minutes d'avance sur les productions internationales du moment. Et cette nuance, eh bien c'est précisément le travail de Emir Weiss. Madonna, Emir Weiss, Impressive Instant. Yeah. Doug Charts a été portier, professeur de karaté ou même assistant de comédien. Mais son vrai truc, c'est ça. C'est le funk. En 2019, il est produit par Frank Dukes, le hitmaker de Frank Ocean. Get on over here and get with the program. Act like you know. Get with the program. Act like you know. When you walk into the door, my heart hit the floor. You feel me? Let me take you by the hand. I wanna be your lover, man. You let me. Ain't no need to slow down. Just give me the lowdown and your number. We can start right away. Don't waste another day. Let's get busy. Just seeing you, I'm really motivated. I know you want to step up to the gate, baby. Come on now. Get with the program. Act like you know. Get with the program. Act like you know. See, I've been waiting all my life for someone just like you. Get with the program. scared. Then Isle is to be expected in the face of pure evil. I'm a psycho. Maybe you need a timeout. Kids today, so desensitized by movies and television. I realize that I've been, in your eyes, some kind of fool. What I do, what I did, stupid fish, I drank the pool. I've been doing some dying, now I'm doing some trying. So say, don't mind, you let me off this time. I came into this scene when my dreams were getting bad. And who rides with the tide and who's glad with what it had? I've been doing some whining, now I'm doing some finding. So say, don't mind, you let me off this time. I'm blind. Something inside say you don't mind. Better times. That's a time to get back and think up some better line. I've been doing some growing, but I'm scared where you're going. So say, you don't mind, you let me off this time. You let me off this time. Lui, c'est Colin Blunstone, le chanteur d'un célèbre groupe anglais des années 60 qui s'appelait les Zombies. Ils ont fait quelques hits, mais en 1971, Colin Blunstone s'est lancé dans une carrière solo dont on a entendu ici les sons hyper arrangés Beatles en diable et qui mériterait qu'on s'y plonge avec délice. 1971-2023, il n'y a qu'un pas que l'on franchit facilement avec le saxophoniste Sam Jandal, qui a bossé à ses heures perdues avec les Vampire Weekends. La nuit des temps, l'international de la danse. Fusion avec le disco, la house, le jazz et même le broken beat se part de mille boules à facettes du côté de Melbourne en Australie. Vous l'entendez monter doucement. Ça, c'est le job du duo Close Counters. Nous sommes à Melbourne. Et nous sommes en 2023. All right. Oh oh, mais quels sont ces sons, ces tambours? Mais oui, c'est l'appel du brass band. Et plus précisément, les Hot 8 Brass Band de la Nouvelle-Orléans. C'est l'appel du brass band, mais aussi celui de Marvin Gaye. Thank you. Guajira. Vacila mi Guajira. Guajira. Vacila mi Guajira. Ain't got nobody. Look what you can get. Ain't got nobody. Look what you can get. Guajira. Guajira, vacila mi Guajira. En 2023, et grâce à une formidable compile, on a redécouvert le son de Willy Bobo. C'était le génial percussionniste né dans le Spanish Harlem et qui aura fait une carrière météorite dans les années 60 et 70. Il disparaît à l'âge de 46 ans en 1983 et figurez-vous que son fils, Eric Bobo, eh bien c'est le percussionniste des Cypress Hill. Londres, la house music Express. I'm not afraid to die. La nuit des temps, l'international de la danse. S comme Sacha. S. S comme Sacha Distel. Été 1968. Sous le soleil de juillet, on se sentait en été partout en France. Je n'avais pas de projet, je n'avais rien réservé pour mes vacances. Mais tous mes amis m'ont dit, mais voyons, faites donc comme nous et allez donc vous faire bronzer sur la plage, sur la plage. Allez donc vous faire bronzer sur la plage de Saint-Tropez. Ma petite auto, et je suis parti très tôt par l'autoroute. On était bien 300 000 à rouler sur quatre fils, coûte que coûte. Quand je klaxonnais ou quand je doublais, des têtes sortaient pour me crier oh, allez, allez donc vous faire bronzer sur la plage, sur la plage. Allez. Dès que je suis arrivé à l'hôtel, j'ai demandé une jolie chambre. De préférence sur la mer, pas trop petite, pas trop chère, mais sans attendre. L'hôtelier m'a dit, en plus de tout ça, voulez-vous aussi mes Bermudas? Allez donc vous faire bronzer sur la plage de Saint-Tropez. Alors moi j'y suis allé, mais je n'ai pas pu trouver la moindre place. Ni sur le sable, ni dans l'eau, pas même sous les pédalos, ni sous les vagues. J'ai voulu m'asseoir plus loin sur le trottoir, mais là on m'a dit c'est interdit. Allez donc vous faire bronzer sur la plage, sur la plage. Allez donc vous faire bronzer sur la plage de Saint-Tropez. J'ai donc passé toutes mes nuits dans toutes les boîtes de nuit à faire la fête. Comme le jour je dormais, j'étais presque aussi bronzé qu'une pâquerette. Si bien qu'à Paris, quand je suis rentré, mes amis m'ont dit d'un air navré, oh, allez donc vous faire bronzer sur la plage, sur la plage. Allez donc vous faire bronzer sur la plage de Saint-Tropez. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would see. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. She was afraid to come out in the open, and so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on the shore. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water. Yes, there isn't any more. Et bien voilà, c'est déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club après avoir pushé ensemble sur le dance floor. Et avec ce soir comme invité, on avait les Chakakas qui précisément push together et forever depuis les années 70. Il y avait également Ben Hawk et son broken jazz. Max Greff qui lui a fait du jazz 104, ce n'est pas le 103, ce n'est pas le 105, c'est le 104. Et puis le fantastique Mirwais qui marque la musique électronique depuis les années 70, aussi bien avec les pionniers Taxi Girl, mais aussi Madonna. Doug Shorts était également là, qui a fait la démonstration qu'entre le karaté et la soul, il y a plus qu'un point commun. Colin Blunstone et sa flopée de violon. Erika Badu et son très joli Dinchano. Les Close Counters. Hot 8 Brass Band et leur cuivre de la Nouvelle-Orléans, le génial Willy Bobo et ses combos latinos, S Express à l'aube des années 90, Sacha Distel et sa carrière de crooner à la française, et enfin les Rylands et la reprise du hit Itsy Bitsy Teeny Weeny. Vous le savez maintenant, la nuit des temps est ouverte 7 jours sur 7 par la magie du podcast et sur le site de Radio Duo ou sur Instagram à la nuit des temps 2. On file maintenant et toute la nuit sur les bonnes ondes de Radio Duo. On referme les portes de la nuit des temps, mais restent les étoiles dans le beau ciel de Saint-Étienne. À jeudi prochain. Très belle nuit à vous. Salut! long.